Ok, bah bonjour du coup. Alors, je vais prendre un peu ce que j'ai écrit, ce que j'ai préparé. D'accord, donc en fait, je m'étais, voilà, je m'intéresse à ça parce que j'ai fait des études universitaires assez élevées, donc voilà, ça me concerne aussi quand même. Et parce que ça, voilà, c'est quelque chose qui m'a pas mal posé question pendant mes études. Donc du coup, l'idée c'est voilà, de prendre une définition des intellectuels. Donc j'ai choisi un peu ceux qui réfléchissent à la société, hein. C'est-à-dire ceux qui ont le temps de passer, voilà, de pousser une réflexion là-dessus. Du coup, ça concerne essentiellement des gens qui ont des professions qui leur permettent de faire ça, puisque voilà, même s'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à la société de manière générale, les intellectuels, on va dire que c'est ceux dont c'est l'activité principale. Voilà. À la différence, par exemple, des hommes politiques, hein, dont l'activité principale c'est d'agir et qui réfléchissent, j'imagine, un petit peu quand même, hein, par ailleurs, mais c'est pas leur activité principale. Les intellectuels, donc, il y a une ambiguïté. Du coup, si on prend cette idée que c'est des gens qui réfléchissent, le rôle des intellectuels en politique. Est-ce qu'il comprend une part d'action? Est-ce qu'on peut dire que c'est voilà. Est-ce qu'on peut dire que les intellectuels doivent avoir une action en politique? C'est une question qui s'est posée pour eux, hein, très rapidement, puisque à l'origine, hein, ce qu'on pourrait appeler les intellectuels, c'est-à-dire les philosophes, hein, à l'époque de l'Ancien Régime, c'était des gens qui n'agissaient pas, hein, mais qui réfléchissaient. Et petit à petit, il y a eu cette idée qui a émergé que les intellectuels devaient prendre une part active en politique. Voilà. Donc voilà, il y a l'idée qu'ils ont un rôle à jouer, un peu, un rôle, notamment un rôle critique, hein, voilà, des opinions à donner, éventuellement qui doivent éclairer la politique telle qu'elle se fait. Moi, je vais défendre une thèse, voilà, bon, hein, je suis pas sûr, hein, on en discutera après, hein, c'est que les intellectuels, donc, bon, il y a des exceptions, hein, mais en général, ils sont assez conservateurs aujourd'hui, alors qu'au XXe siècle, hein, c'était plutôt des gens qui étaient, enfin jusqu'aux années 70, c'était des gens qui étaient plutôt à gauche, voire à l'extrême gauche, hein, qui étaient souvent communistes, maoïstes, trotskistes, et aujourd'hui ils sont plutôt à droite, voilà. Donc comment on est, ben, la question c'est un peu comment on est passé de l'un à l'autre. Et voilà, mon idée, hein, ce que je vais essayer de montrer là, hein, c'est que en fait ils sont globalement conservateurs, les intellectuels en fait. Et qu'ils exercent très peu leur rôle critique finalement, et que du coup à l'époque où l'idéologie dominante c'était une idéologie de gauche ou d'extrême gauche à cause du pouvoir de l'Union soviétique, etc., ils adhéraient à ça sans regard critique. Aujourd'hui, ils adhèrent en fait de la même façon au libéralisme sans regard critique. Voilà. Mais ils défendent toujours l'idée qu'ils ont un rôle particulier à avoir dans la société parce que ça justifie leur existence en tant qu'intellectuel. Quand on travaille dans la philosophie, dans les sciences humaines, en histoire, en sociologie, on doit justifier quand même son existence, hein, aux yeux de la collectivité, puisque c'est pas mal des gens qui sont payés par l'université, donc par les Français, hein. Et donc la justification, c'est qu'ils ont un rôle important à jouer, qu'ils ont un rôle particulier. Un rôle critique en général. Et en fait, voilà, bon, moi, je trouve qu'il l'assume assez peu finalement. Voilà, c'est ce que je vais essayer de montrer. Voilà. Donc, je vais m'intéresser. Enfin, je vais vous parler de la France, hein, parce que c'est ce que je connais bien. Mais voilà, il y a d'autres choses. Voilà. Donc, le lien entre les intellectuels et la politique, je dirais qu'il est ancien. Hein, il remonte, je pense, à l'époque des philosophes des Lumières, donc Voltaire, Diderot, d'Alembert, etc., qui ont Ah, bon. Comment? Ouais. Ok. Donc, c'est des gens qui ont pensé la politique et qui ont exprimé une vision critique, mais c'était une vision qui était critique principalement vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de l'absolutisme politique, mais c'est des gens qui étaient très proches du pouvoir politique. En fait, ils étaient extrêmement proches des princes qui gouvernaient l'Europe à cette époque-là. Il n'y avait absolument aucune dimension critique du pouvoir politique. Dans la façon dont il était exercé, à part sur les marges, hein. Donc voilà, on allait critiquer par exemple le fait que le pouvoir soit parfois un peu trop dur. Un exemple, ben Diderot qui était très très proche de Frédéric II, donc qui était le roi de Prusse, et de Catherine II de Russie, donc l'impératrice de Russie. Ils entretenaient une correspondance privée, et l'idée en fait pour Diderot, hein, c'était que le rôle des philosophes c'était d'éclairer le pouvoir politique, donc on parlait de despotisme éclairé, voilà, c'est ça l'idée, c'est-à-dire les philosophes doivent entretenir des relations assez étroites avec certains gouvernants, ceux qui sont à même de comprendre en fait ce qu'ils vont leur dire, et puis ça va peut-être améliorer comme ça la façon dont, dont ils vont gouverner. Évidemment, ça, enfin, du coup, ils recevaient une partie de leur argent hein, par par ces gens-là. Donc, ça empêche toute dimension critique réelle de la politique. Le pouvoir, par exemple, sulfureux de Voltaire, dont on parle aujourd'hui, hein, c'est essentiellement la dimension sulfureuse, c'est essentiellement vis-à-vis de la religion. Hein, voilà, mais ça va pas au-delà. Hein. D'ailleurs, les philosophes des Lumières, donc ça a été une des inspirations de la politique, de la Révolution française. Mais pendant la Révolution française, il y a peu d'intellectuels qui ont pris part au mouvement. On peut citer Condorcet, hein, c'est en fait le principal exemple. Mais la plupart des donc Condorcet qui a défendu le droit des Noirs, hein, il a lutté contre l'esclavage, il a défendu l'égalité homme-femme aussi. Il a été guillotiné d'ailleurs. Mais la plupart des révolutionnaires n'étaient pas des intellectuels au sens propre, c'était plutôt des avocats, des médecins, des bourgeois, mais qui avaient des professions plus ce qu'on appellerait profession libérale aujourd'hui. Voilà, donc je continue l'historique, mais pour l'instant, donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que à l'origine, en fait, le lien entre les intellectuels et la politique, c'est un lien étroit de collusion avec le pouvoir. Parce que les intellectuels à l'époque avaient l'idée qu'il fallait entretenir une relation très très étroite avec le pouvoir pour pouvoir le modifier et pour essayer d'agir sur le pouvoir de cette façon-là. Voilà. Au XIXe siècle, voilà, il y a une grande figure, hein, c'est Victor Hugo, qui est donc qui est une des principales figures de la politique française et qui est voilà, évidemment un grand écrivain et un grand penseur. Et lui, il a eu un parcours intéressant parce qu'il a été royaliste et en fait il a petit à petit il s'est déporté vers la gauche, il est devenu républicain à la fin de sa vie. Il avait un siège à l'extrême gauche de l'Assemblée nationale, même alors qu'il n'était plus à l'extrême gauche au bout d'un moment, mais c'était un honneur qu'on lui rendait. Il a mené de nombreux combats, donc notamment pour l'éducation, contre la peine de mort, contre le Second Empire au moment où il y a eu le Second Empire. Et Victor Hugo a été assez critique pendant une partie de sa vie. Et d'ailleurs, ça a suscité une très grande adhésion des foules, puisque au moment où il a été enterré, en fait, il y a eu 1 million de personnes qui a suivi son cortège. Donc c'était quelqu'un qui était très aimé. Et il y a aussi l'image d'Émile Zola, pareil, qui a écrit donc au moment de l'affaire Dreyfus pour défendre Dreyfus. Donc au XIXe siècle, on a vraiment des intellectuels qui adoptent la République en fait et qui proposent un rôle de l'intellectuel engagé. Et ça va beaucoup marquer la suite, c'est-à-dire l'idée que les intellectuels doivent être critiques vis-à-vis du pouvoir. Je pense que c'est à ce moment-là que ça émerge vraiment cette idée, donc en rupture par rapport à avant, hein, donc où ils étaient au service du pouvoir. Là, on a l'idée que les intellectuels sont critiques vis-à-vis du pouvoir, qui doivent soutenir une autre vision, une vision de gens qui pensent vraiment et qui vont à rebours de ce qu'est la politique telle qu'elle est pensée par les autres. Voilà. Ça change au XXe siècle avec l'apparition du pouvoir soviétique en Russie. En fait, la plupart des intellectuels français, hein, vont adhérer au communisme et ils vont défendre ça un peu contre vents et marées, certains jusqu'à très tard. Hein. Donc, il y a toute une liste. Hein, je vous fais pas toute la liste, mais il y a toute une liste d'intellectuels qui étaient soit au Parti communiste, soit à ce qu'on appelait compagnons de route, c'est-à-dire des intellectuels qui étaient proches du Parti communiste. Sartre, Aragon, Paul Nizan, des artistes, Picasso, etc. Il y avait une très grande homogénéité dans le monde de la pensée, puisque la plupart des gens étaient communistes, en fait. Il y a quelques exceptions importantes, donc Camus et Aragon notamment, mais la plupart étaient très, très favorables au communisme. Ils ont été en Union soviétique pour une certaine partie d'entre eux, notamment Jean-Paul Sartre. Et en fait, ça aurait été peut-être l'occasion d'exercer un peu d'esprit critique, puisqu'en fait, ils ont probablement vu que tout n'allait pas comme ils le disaient. Et pourtant, ils sont revenus en acclamant le modèle. Et ils ont continué à défendre ça en France, aux côtés du Parti communiste. Pourtant, en 1920, donc André Gide, donc c'est très peu de temps après la Révolution russe, hein, 3 ans après la Révolution russe, en 1920, André Gide était allé en Russie. Et lui, il était plutôt sympathisant communiste. Et il en est revenu en critiquant le modèle soviétique, en disant ça va mal se passer. En fait, ça commence déjà à mal se passer. Mais il a été très mal reçu par ses collègues intellectuels parce que il était considéré comme un traître, hein, voilà, à la cause du peuple. Et il a été ostracisé. Les autres intellectuels qui sont allés par la suite, hein, donc Sartre, Aragon, sont revenus en disant que c'était bien. Donc ici, on a un rôle critique des intellectuels qui ne s'expriment pas. D'accord. Leur rôle aux intellectuels, s'ils avaient vraiment un rôle particulier à jouer, ça aurait été d'essayer de comprendre vraiment ce qui se passait en Union soviétique et pas de participer à l'idéologie communiste telle qu'elle existe, telle qu'elle était diffusée par les hommes politiques communistes. Ces intellectuels en fait avaient un problème vis-à-vis du Parti communiste, c'est que ils n'étaient pas ouvriers en fait, et donc leur position elle était un peu délicate. Quand on est communiste, on estime que c'est le peuple ouvrier qui a la primauté, notamment de l'action politique, et que les intérêts de classe font que les ouvriers vont agir d'une bonne façon. Pour un intellectuel, c'est plus compliqué, puisque l'intellectuel, lui, ses intérêts de classe, il le mène plutôt à ne pas agir de la façon convenable. Donc, moi, j'ai travaillé sur un communiste espagnol qui s'appelle Georges Samprin, qui a été exclu du Parti communiste espagnol. Et en fait, lui, c'était un intellectuel, hein, et il était assez mal vu au Parti communiste espagnol parce que c'était un intellectuel et que les leaders du parti, qui étaient d'origine ouvrière, hein, lui ont beaucoup reproché d'être intellectuel. C'était un peu comme une sorte de noblesse inversée, hein, si vous voulez. Il n'avait pas le pédigré ouvrier qu'il aurait fallu pour avoir vraiment droit à la parole, si vous voulez. Voilà. Donc, je pense que ces intellectuels français, ils étaient assez mal à l'aise entre leur position d'intellectuel et leur position de communiste, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à être vraiment critiques à cette époque-là. C'est aussi parce que ça aurait demandé vraiment beaucoup de courage. Hein. Je vous ai parlé d'André Gide, donc qui a été un peu ostracisé. Camus aussi, qui n'a pas adhéré au communisme, a été assez mal vu par Sartre, notamment, parce que lui était plutôt anarchiste, en fait, hein, Camus. Voilà, il s'est beaucoup méfié des totalitarismes, hein, et il a été assez mal vu lorsqu'il a critiqué l'Union soviétique. Il y a deux moments de rupture après. Donc le premier moment de rupture, c'est en 56, il y a la déstalinisation, c'est-à-dire qu'en Union soviétique, le pouvoir dit qu'en fait Staline, c'est donc 3 ans après la mort de Staline, qu'en fait Staline c'était pas si bien, et on commence à revenir sur cet héritage de Staline en disant qu'en fait non, il a pas tout bien fait, et qu'il y a eu pas mal de choses qui posaient problème, notamment les déportations d'ennemis politiques au goulag, la gestion de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et à ce moment-là, il y a pas mal d'intellectuels français qui vont abandonner, hein, la défense du communisme, puisque ça devenait assez difficile à porter. Hein. Deuxième moment un peu de rupture, c'est en 73, il y a un livre qui est écrit par un Russe qui s'appelle Solzhenitsyn, qui raconte l'expérience du goulag. Donc il raconte ça très précisément, et donc ça va aussi beaucoup marquer le milieu intellectuel français, et ça va détacher les derniers communistes. Enfin bon, il en reste encore un petit peu, mais les grands intellectuels français vont cesser d'être communistes à cette époque-là. Donc au moment de ces deux choses-là, les intellectuels vont d'abord se tourner vers les idéologies encore plus à gauche, le maoïsme, le trotskisme. Au moment de mai 68, beaucoup d'intellectuels étaient maoïstes ou trotskistes. Mais petit à petit, voilà, avec la déstalinisation, la critique du goulag, et aussi peut-être le monde qui devient libéral, hein, les intellectuels se tournent de plus en plus vers la droite. On peut penser aujourd'hui aux nouveaux philosophes, hein, donc c'est des gens qui étaient maoïstes ou trotskistes, qui étaient d'extrême gauche et qui aujourd'hui sont à droite, hein, ils soutiennent Sarkozy souvent, ou le Parti Socialiste. C'est BHL, enfin Bernard-Henri Lévy, Glucksmann, etc. C'est des gens qui passent beaucoup dans les médias et qui ont vraiment changé complètement d'idéologie et qui aujourd'hui sont beaucoup à droite. Aujourd'hui, le discours tel qu'il est tenu par beaucoup d'intellectuels dans les médias, c'est un discours très libéral. En fait, il y a une conversion au libéralisme, et ces gens-là critiquent énormément tout ce qui est à gauche, en faisant référence toujours à cette idée du stalinisme, du goulag. Vous vous souvenez de Finkielkraut qui est venu ici. Il y a eu après beaucoup d'articles dans les médias, où notamment, où Finkielkraut était érigé en martyr, hein, et où on comparait du coup le mythe debout à un système totalitaire, voilà, où on avait rejeté Finkielkraut, voire à des nazis. Donc j'avais lu comme ça, j'ai oublié son nom, un de ces nouveaux philosophes qui disait, voilà, le crachat sur le joue de Finkielkraut rappelle le tatouage d'un déporté au camp de concentration. Donc, voilà, sans peur d'exagération. Hein. Donc on a une référence continuelle au au système totalitaire, et notamment au stalinisme, hein, et les intellectuels, ces nouveaux intellectuels, se situent à droite en réponse à ça. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a ce basculement un peu de gauche, d'extrême gauche même à droite, hein, pour chez la plupart des intellectuels. Il y a des exceptions que je vais mentionner quand même. Hein. C'est Bourdieu, c'est Foucault, c'est des intellectuels qui ont défendu la gauche après les années 70, qui ont continué à le faire courageusement. Hein. Et voilà. Donc je reviens à ma l'hypothèse de départ que j'avais posée, c'était qu'en fait les intellectuels étaient conservateurs et que du coup ils étaient dans l'air du temps en fait, et qu'à l'époque où l'air du temps c'était l'extrême gauche, ils étaient d'extrême gauche, et puis quand il y a eu un basculement dans les années 70, ils sont devenus de droite, mais que du coup ils exercent jamais leur rôle critique ou très peu. Il y en a peu qui le font. Ceux qui le font, j'ai parlé de Bourdieu et Foucault, c'est des intellectuels qui sont tellement bien placés, tellement puissants en fait dans le monde intellectuel, qu'ils n'ont pas peur d'être marginalisés. On ne peut pas marginaliser des penseurs aussi importants que Bourdieu ou Foucault, donc ils peuvent être courageux. Bon, ils sont courageux aussi, hein, mais ils peuvent le faire sans être relégués dans les marges. Aujourd'hui, il y a des intellectuels qui sont courageux et qui défendent des positions critiques, mais on les entend pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas de poids assez fort dans le monde intellectuel. Et c'est un monde très concurrentiel, et du coup, les autres intellectuels, ceux qui ont envie de rester, d'occuper de la place, ils n'exercent pas leur rôle critique parce qu'ils ont peur sinon d'être relégués dans les marges. Ils préfèrent adopter la pensée dominante pour être toujours invités dans les médias, pour être toujours écoutés des hommes politiques. Et donc c'est Bernard-Henri Lévy, hein, qui a été conseiller de Sarkozy pour la guerre en Libye par exemple. C'est des gens qui ne critiquent pas le pouvoir, qui ne critiquent pas la façon dont va le monde, parce que ils préfèrent être dans le flot du monde pour occuper le plus de place possible. Finalement, on est dans une question de classe. Voilà, je reviens un peu à ça. Hein. Les intellectuels aujourd'hui forment une classe qui essaye de se perpétuer en tant que classe, c'est-à-dire en tant que sorte de conseiller un peu de ceux qui gouvernent. Et c'est ce qu'essayent de faire la plupart des philosophes aujourd'hui, hein, des nouveaux philosophes et des intellectuels un peu à droite. Donc, comme à l'époque Diderot, qui était proche des puissants, il reste proche des puissants en refusant d'exercer leur esprit critique. Voilà. Donc c'est un peu bon. J'espère que j'étais clair. Voilà dans ce que j'ai dit. Merci. On va passer à la partie questions-débats. Quelqu'un a une première question à poser ? Pas trop longue, hein. Comme je suis arrivé en retard, j'ai pas compris l'explication de qu'est-ce qu'était qu'un intellectuel. Et ensuite, on parle d'intellectuel de gauche au premier abord et intellectuel de droite au deuxième abord, alors que c'est qu'une question de médias. Donc savoir s'il y avait des intellectuels de droite ou de gauche, là n'est pas la question, puisque c'était simplement ceux qui étaient valorisés qu'on mettait en place. Et donc il y a toujours eu des intellectuels de droite et de gauche, et même de ceux qui n'en avaient rien à tirer de la gauche et de la droite. Et après, pour une question un peu pertinente, parce que c'est un peu ce que je vis ici, sans vouloir me la raconter, qu'est-ce qu'il arrive à ceux qu'on appelle les intellectuels, qui sont complètement hors marge et en contradiction de la pensée dominante, et pourquoi ces intellectuels-là sont obligés de se cacher et ne peuvent pas justement prendre place à la discussion, et qu'est-ce qui leur arrive si jamais ils osent défier les interdits, pour essayer de comprendre pourquoi justement on ne parle pas de ces intellectuels qui sont ni de gauche ni de droite et qui sont complètement en opposition au système et à la pensée dominante, puisqu'il n'y a pas que le système, il y a le système plus le peuple qui pense quelque chose qui interdit à l'autre de contredire. Tu veux faire quoi? On prend plusieurs questions. Il y a d'autres questions? Écoutez bien ça. Il y a deux opposants. Il y a les intellectuels ou les technocrates et les religieux. Mais franchement, là, qui a vraiment la raison? Ouais, certes, les intellectuels, ils se font déchiqueter par ces religieux de merde. Là, pardon pour le terme, mais c'est tout. La question, c'est que les technocrates ou les intellectuels et les religieux. Mais ce Dieu là, moi je crois pas. Hein. J'ai pas trop compris. Mais du coup, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit. Alors, je sais pas du coup trop de qui tu parles dans la deuxième question, les gens qui sont ni droite ni de gauche, mais qui sont trop Ouais. Trop en opposition. Comment se fait-il, enfin, qu'est-ce qu'il arrive et comment sont traités les, j'aime pas le mot intellectuel en fait, les penseurs qui donnent leurs idées qui sont en opposition à la pensée dominante, qu'elle soit oligarchique ou qu'elle vienne du peuple, puisque il faut savoir que le peuple c'est quand même le premier, c'est le premier, la première police du monde, hein, que ce soit un peuple de Dieu, c'est-à-dire que un peuple qui a été élevé à Dieu. Si jamais il pleut pas, et ben ils vont dire c'est la faute à l'autre qui a trompé sa femme. Donc c'est la première police du monde. Et donc c'est la même chose. C'est ce que voulait expliquer le monsieur tout à l'heure. Et donc en fait c'est un peu la même chose qu'on vit chez les pseudo-philosophes en fait. Enfin tous ces pseudo-intellectuels et compagnie. Et enfin moi je pense que la plupart des intellectuels que l'on vit sont des agents secrets. C'est-à-dire qu'il y a un système oligarchique qui forme des gens à l'espionnage et à l'abrutissement du peuple, et à la fin de leur formation ben ils sont soit intellectuels de gauche, soit intellectuels de droite, soit chefs religieux, soit députés, journalistes à TF1. En fait pour moi c'est la même chose, en fait ils sont juste placés pour couillonner le peuple. Et qu'est-ce qu'il arrive à ces gens qui sont en contradiction à ça, et pourquoi justement on les voit pas, et pourquoi ils ont peur de ça. Parce que si on me dit, oui, avant ils étaient de gauche et ils sont partis à droite, c'est justement parce qu'ils ne peuvent pas être en contradiction, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être sévèrement punis. Et que ce soit par le peuple et que ce soit par l'oligarchie, puisque c'est le peuple aujourd'hui, il a un niveau cérébral assez... Par rapport à la première question de l'instant, c'est vrai que moi aussi, je vais juste rebondir là-dessus, parce que au niveau de la définition de l'intellectuel, je voulais juste voir ce que tu entendais par là, dans la mesure où déjà on peut discuter du fait que les nouveaux philosophes soient des intellectuels. Enfin, faudrait voir en fait si par intellectuel on entend ceux qu'on voit à la télévision comme étant présentés comme tels, ou ceux qu'on voit pas et qui sont dans les universités, les centres de recherche. Moi, je parlais en fait des gens qui ont donc c'est qui tirent des revenus de leur réflexion sur la société, qui exercent ça à plein temps, enfin donc c'est une grande partie de l'activité. Donc ça va inclure les gens qui sont à l'université, les gens qui sont passés à la télé, etc. Évidemment, je veux pas dire que c'est les seuls gens qui réfléchissent sur la société, et il y a plein de gens qui réfléchissent beaucoup ailleurs, qui ont très très peu de vision, enfin de visibilité médiatique, et qui sont qui ont peut-être une pensée beaucoup plus juste, hein, évidemment, mais c'est voilà, bon, c'est pas de ça dont je parlais, quoi. Ouais. Il y a des intellectuels qui défient la pensée dominante, mais ils sont très peu, ils ont peu de visibilité, si tu veux. Bon, peut-être qu'on n'a pas la même définition des gens qui défient la pensée dominante, mais il y a des penseurs comme Paul Jorion, par exemple, qui a travaillé à la bourse à Londres, qui a été trader et qui aujourd'hui écrit des livres pour raconter comment ça se passe réellement dans la finance. Bon, lui il est un peu connu, mais assez peu en fait par rapport à sa qualité intellectuelle. Il est assez peu invité dans les médias par rapport à la qualité de ce qu'il propose. Il y a Étienne Chouard qui propose une autre vision de la politique, etc. Enfin, il y a des gens qui ont, on est d'accord ou pas, mais qui proposent des choses vraiment différentes, mais ils n'ont pas énormément de visibilité. Voilà, ils en ont peut-être un peu plus aujourd'hui avec Internet, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, je pense pas qu'il y ait des gens qui sont envoyés au goulag en France. Voilà. Bonjour, j'ai l'impression pendant ton intervention, tu as divisé principalement des intellectuels de gauche et des intellectuels de droite, si j'ai bien compris, plus ou moins. Et après, tu as parlé des intérêts de classe des intellectuels, ce que je trouve assez... Pardon. Ah, ok. Et après, tu as parlé des intérêts des classes pour les intellectuels, comment ça peut diriger leur point de vue, leur pensée, etc. Mais moi, j'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Le métier d'intellectuel en soi, c'est un métier qui met l'intellectuel dans un place sociale assez bien vue, et ça justifie aussi son existence. C'est facile de trouver sa raison d'être quand on est intellectuel, etc. Donc j'ai l'impression qu'on tenait un intellectuel de droite ou de gauche, il y en a certaines conditions qui contrôlent ou qui poussent l'intellectuel d'adopter certains points de vue. C'est tout. Ah bah c'est ça que j'appelle les intérêts classe en fait. C'est quand justement tu as une position et que ta situation elle te pousse à avoir certains points de vue. C'est un peu ce que je voulais dire, c'est-à-dire les intellectuels s'ils veulent, enfin les gens qui vivent de ça, s'ils veulent continuer à avoir justement une grande audience, etc. Ben ils ont pas intérêt à se montrer trop critiques, sinon ça va leur nuire. Sauf si vraiment ils sont extrêmement extrêmement forts, mais sinon ça risque de leur nuire en fait. Ça vaut également pour les intellectuels d'extrême gauche même, ce statut-là. Excusez-moi, je vais te passer le micro, c'est juste pour revenir, je vais te donner le micro, parce que tu as dit qu'il n'y a pas de goulag en France, donc tu penses que Coluche n'est pas un intellectuel, que Daniel Balavoine n'est pas un intellectuel, qu'Emmanuel Ratier n'est pas un intellectuel, en fait que toutes les gens qui ont été assassinés parce qu'ils dénonçaient et qui réfléchissaient autrement que l'oligarchie, que ce soit de gauche ou de droite, ils ont tous été assassinés, il y en a plein, et tu certifies quand même qu'il n'y a pas de goulag en France. Enfin, le goulag, ce serait des camps de concentration. Donc bon, voilà. En tout cas, même s'ils étaient assassinés, ce serait pas ça. Mais non, je pense pas que les gens vraiment subversifs soient assassinés. Enfin, en tant que Coluche, bon, d'accord, il était subversif. Peut-être que c'est possible. Si les gens vraiment subversifs étaient assassinés, je pense que Bourdieu aurait été assassiné. Je pense que Foucault aurait été assassiné. Voilà. Je pense qu'on les aurait pas laissé vraiment fédérer la pensée de gauche pendant aussi longtemps et aussi puissamment. Et je pense qu'ils ont eu un rôle beaucoup plus important que Balavoine, par exemple. Oui, je voulais poser la question sur la médiatisation, en fait, parce que tu parlais de la visibilité des intellectuels, et effectivement, il peut y avoir, enfin, à mon avis, des intellectuels, quand tu parlais d'Internet, ça part un peu désespérant. Ce que tu dis, finalement, c'est que tous ceux qui peuvent s'opposer au pouvoir par leur pensée, en fait, sont mis de côté ou se mettent eux-mêmes de côté, enfin, font un pas de côté pour ne pas être, pour être toujours dans les médias, en fait. Donc c'est comme si ils dénaturaient leur pensée. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des auteurs ou des chercheurs ou des intellectuels qui continuent à écrire dans des revues peut-être qui ne sont pas forcément lues par le grand public, qui ne passent pas à la télé, qui ont des blogs, qui ont des sites internet, et qu'il y a quand même une pensée, contre le pouvoir, qui s'oppose au pouvoir. Parce que là, sinon, on a l'impression que tous les intellectuels qui existent aujourd'hui, pour exister, sont obligés d'être de suivre la ligne dirigeante, en fait. C'est ce que tu as dit, en fait. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'espoir, et de dire il y a quand même des intellectuels qui alors, il n'y a peut-être pas de goulag, mais il y a peut-être une censure, en fait. Tu n'as pas parlé de censure, peut-être c'est intéressant de parler aussi de censure ou d'autocensure, en fait, des intellectuels. Mais en fait, il s'exprime, il y a des intellectuels qui sont critiques, ils s'expriment dans les marges, c'est-à-dire dans les médias qu'ils créent eux-mêmes, dans certains médias un peu choisis. Ils peuvent pas s'exprimer dans les grands médias, ils veulent pas le faire. Enfin, il y a les deux à la fois. Il y a un grand penseur anarchiste américain, Noam Chomsky, qui disait, si tu veux expliquer aux gens que la guerre en Syrie c'est bien, c'est facile. Tu vas dans un, t'as 5 secondes pour le faire, tu dis c'est bien de faire la guerre en Syrie. Tout le monde est d'accord. Si tu veux dire, non en fait il faut pas faire la guerre contre l'État islamique, les gens ils vont a priori pas être d'accord, il va falloir beaucoup plus de temps pour l'expliquer. Et donc du coup il faut beaucoup de temps. Mais en fait dans, à BFM par exemple, on n'a pas beaucoup de temps. on peut pas dire, enfin ça va être plus difficile de dire des choses nouvelles parce qu'on n'a pas le temps de les expliquer. Donc du coup il peut y avoir un refus aussi d'aller dans ces médias là parce qu'on n'a pas ça offre pas un cadre pour une vraie pensée. Là on a une heure pour parler, même plus en fait, enfin voilà. Là, on a un cadre pour penser, discuter, mais dans la plupart des médias, on n'a pas ça, en fait. Il faut de la pensée facile à digérer. En fait, on peut que dire aux gens ce qu'ils savent déjà, finalement. Donc, les gens qui sont critiques, les vrais intellectuels, à mon avis, ils peuvent pas. Donc, du coup, ils vont effectivement aller sur des blogs. Bah, je pensais, là, il y a la Halle des Métallos à côté. Je sais pas si vous connaissez, c'est rue Jean-Pierre Timbaud. Il y a des conférences, etc. Enfin, pas mal de choses, c'est vraiment intéressant. Il y a un historien qui est un très bon historien qui s'appelle Gérard Noiriel, qui a travaillé sur les ouvriers. Et lui, il a beaucoup défendu, et les étrangers, parce qu'en fait, c'est deux thèmes qui se rejoignent. Hein. Il a beaucoup, beaucoup défendu la condition ouvrière, mais y compris aujourd'hui. Il a beaucoup pris parti en politique. Il est très courageux, mais en fait, on n'en entend pas beaucoup parler, il est pas très connu. Et donc lui, il va là-bas, à la Halle des Métallos, il fait tout le temps des conférences. Mais c'est quand même pas, c'est pas un endroit de grande visibilité. Il est relégué là et on va pas l'inviter dans des endroits vraiment importants pour parler. Voilà. Donc il est mis dans les marges un peu. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, quoi. Oui, pour revenir sur la question qui avait été posée au départ sur la définition de l'intellectuel, moi j'ai une définition qui m'a assez séduite, c'est celle de Sartre, qui dit que l'intellectuel, c'est une personne qui, dans un domaine scientifique ou dans un domaine des sciences humaines, a produit du savoir. Donc a atteint un très haut niveau, disons, de compétences techniques, philosophiques ou dans les sciences humaines. Donc ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, c'est que cette même personne va en plus développer, cette légitimité intellectuelle qu'il a au service d'une cause. Donc il va s'engager pour une cause. Mais cette cause, en fait, il va souvent être contre l'idéologie dominante. Donc d'une certaine façon, il ne va pas profiter de son statut pour défendre ses intérêts particuliers. Mais, comme dit Aristote, c'est un ami de la vérité. Voilà. Et donc à partir de là, effectivement, Bourdieu est un intellectuel. Si on fixe, parce que Bourdieu a produit du savoir dans la sociologie, il a produit des concepts. Et arrivé là, il a mis son prestige au service, notamment des classes populaires. Foucault, pareil, il a produit des concepts en philosophie et, comme tu dis, il a défendu la gauche. Et puis alors, de l'autre côté, il y aurait les faux intellectuels qui, eux, pourraient éventuellement avoir la première caractéristique, où ce seraient des gens qui ont produit du savoir ou qui ont une vraie compétence, scientifique, mais qui mettent, ce prestige pour défendre soit leurs intérêts particuliers ou soit l'idéologie dominante. Donc ça, ce seraient les faux intellectuels, je dirais. Et par analogie avec la philosophie, si on pense à Socrate, d'un côté, il y aurait les philosophes, qui seraient les vrais intellectuels, et de l'autre, les sophistes, qui eux seraient les faux intellectuels. Maintenant, sur la question du rôle des intellectuels, on parlait du religieux tout à l'heure. Dans les sociétés religieuses, il y a les prêtres qui sont censés défendre l'idéologie dominante. C'est un exemple que je donne. Et dans les sociétés laïques, en fait, est-ce que tu ne penses pas que les intellectuels, les faux intellectuels, en fait, leur rôle est justement de, comme les prêtres ou comme dans leur rôle, en fait, c'est tout simplement de promouvoir l'idéologie dominante. Et les vrais intellectuels, eux, jouent une sorte le rôle des prophètes, en fait, qui, eux, brisent les rêves, en fait, qui disent la vérité, en fait. Et donc, d'une certaine façon, qui réveillent le peuple de leur sommeil dogmatique. Si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Il y a la grande majorité des intellectuels qui sont en fait pas des intellectuels selon ta première définition, qui appuient le pouvoir et qui renforcent ça en donnant l'idée que, qui donnent une caution au pouvoir en fait. Donc voilà, qui disent en gros c'est vrai, on garantit que c'est bien. Et d'autres qui sont critiques, mais qui sont une minorité. Et je pense que tout ça s'appuie sur l'idée qu'en fait il y a des gens qui sont quand même mieux placés que d'autres pour savoir ce qui est vrai et ce qui est bien. Ce seraient les gens qui auraient réfléchi et qui auraient produit beaucoup de savoir. Je suis pas convaincu que ce soit vrai en fait. Je suis pas convaincu que les intellectuels devraient avoir un rôle particulier dans la société, même si ils passent beaucoup de temps à réfléchir sur la société. Je pense qu'ils devraient, c'est très bien qu'il y ait des gens qui réfléchissent à la société. Je suis pas sûr qu'ils aient une une meilleure capacité que d'autres pour juger ensuite en fonction de ce qu'ils ont produit comme savoir. Voilà. Sur ce point justement, là par rapport à l'exposé que tu avais fait, où j'avais une interrogation, c'est quand tu as dit que, par exemple, Bourdieu et Foucault, en fait, tu as dit ils ont osé affronter l'idéologie dominante parce qu'ils avaient une telle légitimité qu'ils étaient intouchables. Alors moi je pose la question, est-ce que tu ne crois pas aussi qu'ils ont fait ça, c'est peut-être par une sorte de vertu morale, parce que c'était des gens qui, moralement, ne voulaient pas mentir, ou ne voulaient pas, mentir aux gens, ou... Est-ce que tu ne crois pas que l'intellectuel est aussi porteur, c'est pour ça que je faisais le lien avec le prophète, en fait, de vertu morale, où c'est quelqu'un qui dit la vérité, qui est franc, voilà, qui n'est pas là pour mentir aux gens. Ouais. Oui, mais je pense que ça pourrait aussi être dans d'autres métiers, en fait. Je pense qu'il pourrait y avoir aussi d'autres gens qui font autre chose, enfin, tu vois, et qui tout à coup se disent, qui se mettent en rupture avec leur milieu et qui disent « Ah, ben là, je vais faire différemment. » Je sais pas, il y a des journalistes qui le font. Je pense qu'il peut y avoir des médecins qui disent « Maintenant, en fait, là, ça va pas. Comment ça fonctionne, la sécu, le truc ?» Enfin, j'en sais rien. En fait, on attend ça des intellectuels, mais on pourrait l'attendre de tous les citoyens, finalement, que ceux qui sont dans leur propre spécialité. Il y en a qui dénoncent. En fait, c'est ce qui se passe, mais c'est toujours des minorités parce que tout le monde a envie que ça continue un peu comme ça, quand même, finalement. Enfin, je sais pas si t'es d'accord, du coup, hein. Oui, moi, ce qui me gêne par rapport à ceux qu'on considère comme des intellectuels, c'est que d'abord, il y a beaucoup de gens qui sont des technocrates, des techniciens, etc., qui ont des savoirs considérés comme scientifiques et qui posent un discours qui n'est pas remis en question parce qu'ils ont des savoirs considérés comme scientifiques. Et je crois qu'il y a trop ce dogme de la science qui pourrait apporter une vérité qui devrait être contrebalancée par un savoir philosophique, historique, etc. Et ce monopole de la science, des chiffres, etc. nuit beaucoup à la définition de l'intellectuel et à son rôle dont je suis d'accord. Moi, je crois aussi qu'on peut aussi remettre en question cette puissance des intellectuels aujourd'hui, qui n'en sont peut-être pas d'ailleurs. Donc, premièrement, moi, ce qui me gêne, c'est ça, le rôle des technocrates. Et deuxièmement aussi, quand on voit que c'est les mêmes personnes qui s'expriment sur tous les sujets, qui sont pas du tout spécialistes finalement, qui ont une certaine de légitimité parce qu'ils sont connus, parce qu'ils passent dans tous les médias, etc. Et en fait, quand je vois que c'est la même personne qui va parler de l'islam, qui va parler de la sécu, qui va parler, de l'économie, de la crise, on peut quand même se poser la question de la légitimité de ce savoir qui se présente comme scientifique, mais qui ne l'est pas finalement. Et c'est pour ça que finalement, parfois, je me dis, est-ce que c'est pas mieux que ce soit les gens qui sont concernés, qui posent un discours sur leurs besoins, plutôt que des gens qui sont pas du tout concernés, mais qui ont une pseudo-légitimité liée à un statut qui est conféré par une présence médiatique très forte. Et donc, dans ce cas-là, pour ces intellectuels-là qui s'expriment surtout très rapidement, sans être spécialistes de ce dont ils parlent, je trouve qu'on peut se poser la question de la légitimité de leur parole, en fait, dans l'espace public. Et je pense que finalement, même, c'est des gens qui peuvent nuire énormément. Parce que je crois que quelqu'un qui s'exprime, je sais pas, sur... bon, moi, je suis prof sur l'éducation en zone pauvre, mais qui a jamais foutu les pieds en banlieue, qui a jamais foutu les pieds nulle part, mais parce que c'est un pseudo-philosophe, qu'il a fait 3 ans de philo dans sa vie, il va pouvoir poser un discours qui va appuyer des réformes, etc. Mais je trouve que dans ces cas-là, ce genre de discours, ce sont des discours qui sont nauséabonds, en fait, dans la démocratie. Voilà. Attends, juste. Oui, mais c'est bon. Non, mais genre. Il y a certaines raisons là. La raison, tu sais bien ce que c'est là. Il y a certaines raisons qui te guident direct à la morgue. En fait, si on reprend la définition que t'avais proposée, où c'est des gens qui appliquent leur savoir pour arriver à des choses, normalement, il devrait y avoir personne qui parle de domaines qu'ils connaît pas. Mais les intellectuels, en fait, ils utilisent leur caution morale justement pour parler de choses sur lesquelles ils sont pas compétents. Je crois que c'est Claude Allègre qui est médaille d'or du CNRS en géologie ou quelque chose comme ça, et qui connaît rien en réchauffement climatique, en fait, qui est climato-sceptique. Voilà, et qui considère qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Mais en fait, il est très, sans doute très brillant géologue, hein, et en tout cas, il est reconnu comme tel par les autres géologues. mais il connaît rien en fait en climat. Donc, mais il utilise son, le fait que ce soit un scientifique pour parler d'autre chose. Et donc là, on a un problème quand même dans ce basculement, quoi. Et ça atteint son paroxysme avec les experts qui sont invités très régulièrement pour parler de tout. Hein. Typiquement, les philosophes, c'est des gens qui sont spécialistes de rien mais de tout, quoi. Donc ça pose particulièrement problème. Et il y a absolument aucune confrontation au réel. Je pense que les gens qui pensent vraiment, c'est des gens qui confrontent leurs idées avec le réel de la vie, quoi. Donc que ce soit des physiciens qui font des expériences ou juste des gens qui ont une réflexion et qui voient dans leur réalité sociale si c'est vrai ou pas. Et en fait, le problème, c'est qu'on se détache et qu'on a juste une idéologie, mais qu'elle se confronte jamais, qu'elle est jamais démentie par le réel. Et c'est ce qui arrive avec ces gens qui parlent de tout, parce qu'en fait, ils connaissent rien, quoi. Donc du coup, c'est jamais démenti par rien. Voilà, ils peuvent toujours parler de la guerre en Syrie, ils peuvent parler des famines dans le Sahel. De toute façon, c'est tout aussi lointain pour eux, quoi. Voilà. Moi, c'était pour rebondir à ce que tu avais dit. Moi, je suis totalement d'accord sur la première partie, mais après, sur la question de la connaissance, parce qu'on pourrait aussi débattre de qu'est-ce que c'est que connaître un sujet, parce que c'est complètement infini. C'est-à-dire que si on part du principe, parce que moi, par exemple, je suis jeune chercheuse dans la civilisation russe, si je pars du principe que parce que j'étudie ça, je connais ce sujet, je pense que je vais droit dans le mur. Et si je dis aux autres, vous pouvez pas vraiment parler de ça parce que vous étudiez pas ça, je pense que c'est aussi un grand danger. Donc si on part du principe qu'on doit connaître ou on doit vivre, on doit avoir l'expérience du réel, c'est-à-dire qu'on doit être sur le terrain pour parler de quelque chose, on parle de rien, je pense. Et Nuit Debout, ici, il me semble que justement, ce qui est riche aussi, c'est qu'on peut se permettre peut-être de réfléchir. Moi, j'ai effectivement pas vécu la guerre, et heureusement ici, personne n'a connu de guerre ou n'a été, mais c'est aussi de pouvoir réfléchir finalement sur des situations qu'on connaît pas. Et je pense que moi, le rôle de l'intellectuel, c'est justement... Bon, l'intellectuel, hormis la question d'être un intellectuel vis-à-vis des médias, pour moi, quelqu'un qui réfléchit vraiment, un vrai entre guillemets intellectuel, c'est quelqu'un qui va justement pouvoir parler de tout avec une philosophie justement qui va lui permettre d'aborder tous les sujets. Merci. Donc il y a quelqu'un qui a parlé d'un vrai intellectuel. Un vrai intellectuel aujourd'hui, c'est simple. C'est quelqu'un qui est payé pour rien faire d'autre que penser. Et donc, parce qu'il ne fait rien d'autre que penser, d'après ce que l'on dit, ça devient intellectuel parce que c'est son seul travail. Donc, en fait, la définition d'un intellectuel aujourd'hui, c'est ça. Donc, tu peux être complètement abruti, mais du moment que tu es payé pour parler, pour dire d'un intellectuel, et c'est pour ça que c'est dangereux lorsque ça parle des prophètes, parce que c'est un peu la même chose. Mais c'est pas vrai, parce que les prophètes, c'était des nantis qui, parce qu'ils avaient une position de nantis, avait le droit à la parole, et s'il disait que Dieu va venir, tout le monde disait ouais, s'il disait que vous êtes méchant, tout le monde disait ouais. Un prophète, c'est rien que plus que ça, c'était des nantis en fait. Ils avaient plusieurs femmes, des grandes maisons, ils étaient invités à la table du roi, exactement l'explication que monsieur a donné tout à l'heure. Donc le prophète, le prêtre, c'est pareil. Le prophète est encore plus pire que le prêtre. Mais ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est si tu veux dire quelque chose qui va dans le sens de l'auditoire, tu prends le micro, c'est très facile, tout le monde t'applaudit. Et quand tu veux dire quelque chose qui est en contradiction, il te faut du temps parce que tu dois expliciter la chose. Et là, les gens regardent leur montre et disent casse-toi parce que on n'a pas le temps, tu comprends rien et tout. Et donc ça clôt complètement le débat. Donc toute personne qui veut penser en contradiction, il peut pas parce que déjà il a pas le temps et on lui donnera pas le temps parce que il doit penser ses mots, réfléchir et donc on interdit nous-mêmes le peuple et à Nuit Debout. Et si tu as pu remarquer ça, si t'es venu aux assemblées, on interdit nous-mêmes l'intellectualisme, c'est-à-dire la réflexion, et parce que soit on n'a pas le temps, soit on veut pas, soit c'est dangereux, je sais pas. Et pour revenir, là j'appuie exactement la pensée de Lisa par rapport à ce que tu viens de dire, et par rapport à ce que tu as dit aussi, parce que si tu me dis que bon Dieu est un intellectuel qui a plus bougé les choses parce qu'il avait le métier d'intellectuel qui était payé pour penser, et que Coluche, Balavoine et les autres, qui, si on regarde leur sketch, parlaient de tout, ils parlaient d'écologie, ils parlaient d'économie, ils parlaient de cancer, ils parlaient de tout, et que ce soit dans les chansons de Balavoine, ils parlent de tout aussi. Donc l'autre c'est un chanteur, l'autre c'est un comique, mais on dit ce sont pas des intellectuels parce que ceci, cela. Alors que eux, ils touchaient beaucoup plus la masse, et leurs propos étaient beaucoup plus dangereux pour l'establishment, parce que il touchait beaucoup plus la masse en parlant de choses que la masse comprenait, avec des mots que la masse comprenait, et en faisant réfléchir la masse sur des pensées auxquelles ils ne réfléchissaient pas eux-mêmes. Donc si ce ne sont pas des intellectuels, bon, ok, je veux bien que ce ne soient pas des intellectuels parce que j'aime pas ce mot, mais ce sont des penseurs, ce sont des gens qui ont critiqué le pouvoir en place et qui ont été assassinés. Et donc quand, bon, après, c'est, on va pas revenir dessus, on a deux contradictions. Et c'est pour ça que je dis, il y a des gens, excusez-moi, qui arrivent à parler de tout, à penser sur tout, et sans avoir été forcément plombier ou je sais pas si Balavoine a été plombier, mais il a réussi à parler des problèmes des ouvriers, et il en a bien parlé, hein, devant Mitterrand, et bon, peut-être qu'il en a pas mal parlé, mais je veux dire, c'est ça, faut faire attention à ce qu'on appelle intellectuel, et c'est pas parce qu'on est chanteur, comique ou même pâtissier, quand tu vas dans un bar, t'as des pâtissiers là, ou je ne sais quoi, qui viennent boire leur coup, et quand tu discutes avec eux, bah t'en prends plein de claques, parce qu'ils vont te raconter tellement de choses sur tous les sujets. Pareil pour infirmier. Et donc, est-ce que nous, on ne sait pas avoir justement par ce phénomène qui est le mec qui a écrit un livre, ou qui ceci, ou qui est traité par l'oligarchie dominante en tant qu'intellectuel, en tant que penseur, c'est lui qui doit, donc c'est dangereux. Donc, je suis contre ce que tu as dit là, mais je suis super content quand tu as dit que dire quelque chose qui est en contre-vérité, c'est très difficile parce que personne ne veut te laisser la possibilité de le dire. Oui, merci Lysia d'avoir répondu, parce qu'effectivement, je crois que ça peut être ce que je disais, c'est-à-dire c'est souvent les mêmes personnes qui parlent un peu de tout sans être spécialiste. Effectivement, le danger, c'est de dire, bah, à partir du moment où t'es pas spécialiste, t'as pas le droit de t'exprimer, quoi. Et je pense que ça, c'est très dangereux, parce que ça met à mal la démocratie, ça peut devenir autoritaire. Seulement, moi, ce qui me gêne, c'est que ce soit souvent les mêmes personnes qui organisent un peu les mêmes débats avec les mêmes idées qui sont sans cesse recyclées. Et peut-être qu'il faudrait, pour pas tomber donc dans l'excès dans lequel moi, ma première idée pouvait aller, ce serait plus un pluralisme, un dialogue plus important, et la présence dans les médias de gens qui ont des idées qui diffèrent plus. Après, évidemment, effectivement, je comprends que ces gens-là n'aient pas non plus envie de s'exprimer quand on leur dit « t'as une minute pour dire que le libéralisme, c'est pas bien, quoi ». Donc, enfin, on comprend que le format ne correspond pas à ce dont a besoin une pensée critique construite, etc., pour convaincre de quelque chose qui n'est pas du tout accepté. Mais voilà, merci en tout cas. Alors moi, je considère depuis pas mal de temps déjà que les intellectuels sont en perte de vitesse et ne sont plus du tout efficaces. Et ça pour la simple raison qu'on est aujourd'hui, enfin depuis pas mal de temps déjà pour moi, dans une civilisation qui va très très très très mal, et que pour avoir un discours constructif et qui amène de la conscience sur la civilisation, ce qui pourrait être le rôle des intellectuels et qui ne l'est pas. La raison, c'est que aujourd'hui, on ne peut plus parler du monde dans lequel on est essentiellement avec l'intellect. C'est-à-dire que l'intellect, c'est une petite partie de ce qui nous constitue, et que pour avoir une pensée vivante et qui soit extrêmement efficace, il faut partir de l'émotion. Toute pensée qui s'évacue de l'émotion est une pensée dogmatique et qui n'amène à rien du tout, si ce n'est du blabla. Pour rejoindre un peu ce que tu disais, aujourd'hui on a des spécialistes. Alors les spécialistes aujourd'hui, ils sont effectivement nombreux et surtout, etc. Mais ce sont des gens, leur seule valeur, on va dire entre guillemets, c'est d'être un spécialiste. Mais moi, un spécialiste, c'est pas parce qu'il est spécialiste que je vais entendre ce qu'il va dire et qu'il va m'intéresser. Donc effectivement, l'intellectuel aujourd'hui, il est en perte de vitesse. Ça n'a pas l'air de les gêner vraiment beaucoup, mais il n'y a plus de discours dogmatique possible aujourd'hui. C'est fini, et c'est tant mieux. Je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent pas en parlant tant de l'émotion. Enfin, après, chacun sa façon de faire. Enfin, il y a des gens qui sont hyper intuitifs, des gens qui sont très proches de leur corps. Enfin, moi, je sais que c'est pas mon cas, mais je pense pas que ça ait aucune valeur ce que je pense, quoi. Mais Enfin, voilà, je pense qu'on est quand même différents et qu'il faut respecter les façons de d'aborder le monde intellectuellement des autres gens, quoi. Mais et pour revenir sur ce que vous disiez là, sur, enfin, sur le fait qu'on a le droit de parler tout, pas, enfin voilà, je pense que, enfin, moi, à mon avis, hein, on peut, enfin, ça peut être, on peut aborder tous les sujets, mais ce qui est important, c'est d'être prêt à se confronter au réel ou aux gens qui connaissent mieux les choses parce qu'ils y participent ou à d'autres choses en fait. Le problème, c'est quand on est, c'est quand on aborde toutes les questions sans jamais être en ayant trop d'a priori et en essayant pas de d'aller vers autre chose. Je m'explique. Si on se dit voilà, moi j'ai un avis sur telle et telle et telle et telle chose. Et j'y tiens mes avis, voilà, c'est mes avis. Ça n'a absolument aucun intérêt et ça peut même être assez dangereux. Et je pense que c'est en général ce qui se passe avec les spécialistes, parce que j'en ai rarement entendu changer d'avis à la télé, etc. Par contre, tu parlais de tes pâtissiers là qui peuvent t'apprendre plein de choses et pas seulement sur la pâtisserie. En fait, c'est bien s'ils sont prêts ensuite dans une discussion à se dire ah oui mais c'est vrai là ce que tu me dis ça me fait un peu changer de voilà d'opinion. En fait c'est ça qui est important et dans ce cadre-là le rôle de l'intellectuel ça peut être d'avoir passé beaucoup de temps à réfléchir à quelque chose et de pouvoir ensuite dans les discussions dire ah oui bah là oui mais c'est vrai ce que tu dis mais en même temps il y a ceci cela et d'apporter d'autres idées d'autres façons de voir le monde. Mais de même que enfin si on reprend un pâtissier il peut dans une discussion dire oui mais ok toi tu pensais de la pâtisserie mais moi je vais te donner quand même un autre éclairage parce que je m'y connais bien quoi. Et donc je pense que l'important dans la réflexion c'est pas de se dire est-ce qu'on a le droit de parler de choses ou pas, c'est de se dire à quelles conditions on a le droit de parler de choses. Et je pense qu'on a le droit de parler de pas mal de choses à condition d'être honnête dans notre rapport à ces choses-là et de pas être ancré sur ces positions mais d'être prêt à changer dans le cadre d'une discussion et ou d'une confrontation à la réalité des choses. Là, je suis en complète opposition avec tes propos, car parler de ce que l'on connaît, c'est d'être un professionnel, c'est pas être un intellectuel. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui est capable de la raison, de réfléchir, de se contredire lui-même et d'aller dans c'est comme ce qu'on appelle quelqu'un intelligent. Un quelqu'un intelligent, c'est quelqu'un qui arrive à se sortir d'une situation inconnue. C'est-à-dire, il y a une situation qu'il a jamais vue, il arrive à s'en dépatouiller. Maintenant, quelqu'un qui fait la même chose tous les jours et qui sait le faire, c'est rien à voir avec l'intelligence. C'est un savoir, c'est une connaissance. Et donc, lorsqu'on dit qu'un intellectuel qui parle d'un sujet qu'il ne connaît pas n'est pas un vrai intellectuel, c'est là où on en arrive au danger. C'est que c'est pas un intellectuel, en fait. Ah, d'accord. Parce que le pâtissier, il n'est pas obligé de parler de sa pâtisserie. Les pâtissiers, ils parlent. Et c'est pas parce qu'un pâtissier explique sa pâtisserie que c'est un intellectuel. C'est juste qu'il explique ce qu'il sait faire. Maintenant, lorsqu'il va parler à un plombier et qu'il arrive à faire penser le plombier lui-même sur ce que le plombier lui-même fait, là, il devient intellectuel. Je te passe juste la parole, mais juste ce que je voulais dire, c'est pas ça, hein, au contraire, c'est que, en gros, si tu veux parler de pâtisserie, même si t'es pas pâtissier, tu peux le faire. Mais il faut qu'il y ait un moment où t'acceptes d'écouter les pâtissiers, quoi. Sinon, tu pourras jamais parler correctement de pâtisserie. Ça veut pas dire qu'il aura raison par rapport à toi. Le rôle de l'intellectuel, à mon avis, de même que le pâtissier, c'est pas son rôle de parler de pâtisserie aux gens, c'est, à mon avis, le rôle de l'intellectuel, c'est de travailler beaucoup, par exemple, sur, je sais pas moi, si s'intéresse à la domination des hommes sur les femmes, j'en sais rien, de réfléchir beaucoup à ça, pour ensuite pouvoir, au cours de discussion, avoir un avis, des idées, des éclairages qu'il apporte aux gens. C'est ça, à mon avis, le rôle d'un intellectuel. Moi je vois une confusion un peu dans la définition de l'intellectuel avec deux définitions. Il y a l'intellectuel, c'est la personne qui a une énorme culture générale, et qui est capable sur tous les sujets de produire un discours, etc. Et puis il y a l'intellectuel selon Sartre, qui lui, encore une fois, est un spécialiste dans un domaine particulier, qui met son prestige et son savoir au service d'une cause. Voilà, je pense qu'il y a une confusion. Donc si on ne parle pas de la même chose... Et par contre, par rapport à Coluche, si on devait faire une analogie avec la religion, pour moi, Coluche ou Balavoine, c'est des saints. Tu vois, pour moi, c'est des saints. Tu vois, c'est des gens qui sont morts pour défendre leur raison. Voilà, pour moi, c'est voilà. Alors que quand on est intellectuel, c'est vrai, il y a le niveau intellect. Donc c'est le côté la froideur, il n'y a pas d'émotion, quoi. Alors que Balavoine et Coluche, c'est des artistes, hein, c'est l'émotion. Je rejoins tout à fait ce que tu as dit. Non, mais l'égocentrisme, c'est pas mal, hein, je veux dire. Mais c'est pas grave. Oui, enfin, Mais je te rejoins aussi sur un autre point où tu as dit, et ça je suis tout à fait d'accord avec toi, quand tu dis en fait, quand tu disais ouais, le prophète c'est celui qui vient parler aux gens et tout le monde l'applaudit. Mais justement, pour moi, dans ma définition du prophète, Spinoza c'est un prophète. Par exemple, en fait, pour moi, le vrai intellectuel, c'est celui, comme tu dis, qui se fait saquer, qui se fait casser. Et c'est pour ça que je pense qu'Emmanuel Todd, pour le coup, aujourd'hui, c'est peut-être un des seuls intellectuels français. Parce que quand il a écrit Qui est Charlie, il s'est fait casser dans les médias. Mais un truc de malade, tu vois. Alors que ce mec-là, en sociologie, il a produit du savoir, notamment sur le système familial. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses, justement, tu sais, dans la caverne de Platon, le rôle du philosophe tu sais, qui sort de la caverne et qui retourne pour éveiller les prisonniers, est-ce que finalement, c'est pas ça l'intellectuel? Et c'est pour ça souvent qu'il se fait saquer, parce que les gens ils comprennent pas. Ils se font réveiller, mais ils sont tellement endormis qu'ils comprennent pas le mec, qu'est-ce qu'il leur dit. Chez Platon, il y a une très très grosse différence entre le philosophe et les autres gens. Et moi, c'est ce qui me pose problème, hein. Voilà, c'est qu'il y a, il y a une différence presque de nature, hein, même si c'est pas une différence de nature, mais il y a une différence extrêmement forte entre les philosophes qui comprennent, qui vont chercher la vérité, qui ont l'amour de la vérité, et les autres gens. Et je pense qu'en fait, ça reflète mal. La réalité beaucoup de gens essayent d'aller vers la vérité, en tout cas beaucoup de gens réfléchissent, pensent, voilà. Et je pense que, enfin moi je pense pas du tout que le philosophe doit éclairer les autres gens. Je pense que le philosophe il apporte autre chose, mais il a pas un rapport plus proche de la vérité en fait que les autres gens. Enfin je ne pense pas. Bonjour. Est-ce que en fait les intellectuels ne sont pas là pour nous confisquer notre propre capacité à penser? En fait, les intellectuels, on va le mettre sur le même piédestal que les politiques. On va dire bon bah le politique il va s'occuper de la vie politique, l'intellectuel il va s'occuper de penser. Et moi, je vais pouvoir me regarder mon petit show de télé-réalité. Sans vouloir imposer la réponse, il faut voir que si on écoute les politiciens aujourd'hui, c'est pas parce qu'on les croit intelligents, c'est parce que les politiciens prennent des conseils auprès d'intellectuels et de philosophes qui sont décrétés comme intelligents. Et donc, ils travaillent tous ensemble. Et c'est exactement ce que tu dis. Il y en a un qui est censé être la pensée suprême, qui dit aux politiques chargés de l'affaire, voilà ce qu'il faut faire. Le politique agit, dit, ah bah comme c'est l'autre qui l'a dit, c'est forcément bien. Et donc ouais, on est couillonné par ça. Mais pour revenir à Platon, moi j'ai lu l'apologie de Socrate par Platon, et j'ai un peu pas vraiment étudié Platon, parce que j'aime pas trop lire, en fait je lis pas beaucoup, il m'arrive de lire de temps en temps. Mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que si vous lisez l'apologie de Socrate par Platon et que vous lisez le Nouveau Testament, c'est-à-dire la vie de Jésus, vous avez la même histoire. Et donc, il faut savoir que l'apologie de Socrate s'est écrite avant le Nouveau Testament. Et donc, oui, le début de la philosophie expliquée par Platon, c'est une religion. Car que ce soit Socrate ou Platon, se réfère à Dieu. Donc, c'est normal que dans sa définition de la philosophie, il avait la dogmaticité de dire que le philosophe, c'était ça, il devait apprendre au peuple, parce que c'était le philosophe, c'était le nouveau prophète, en fait. Et donc, Platon n'est rien d'autre que il a amené la philosophie, en fait, la Grèce était en retard par rapport à l'intellectualisme dans le monde, en retard à peu près de la Chine, enfin, l'Occident, on va dire. L'Europe était en retard par rapport à la Chine, par rapport à l'Afrique, par rapport à plein de contrées. Et donc, pour rattraper leur retard, en inventant le philosophe, il a réinventé la pensée. Et la pensée supérieure parce que tatatata. Et vous verrez que la vie de Socrate, il s'est quasiment condamné pour patati tatata, ceci, cela. Et donc, c'est une religion. Le début, la philosophie a été créée en tant que religion. Voilà. Et ça, il faut le comprendre. Il faut relire étudier Platon et étudier les philosophes de l'époque pour comprendre que c'était juste rien que des prophètes religieux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant quand il disait que le rôle de l'intellectuel aujourd'hui c'est aussi de nous empêcher de penser, de nous supprimer de nous prendre notre parole en fait. Et qu'est-ce que tu penses justement de la distinction entre les faux intellectuels dont le rôle est d'endormir les gens en les empêchant de penser et en les nourrissant, disons, de l'idéologie dominante pour qu'ils dorment bien, qui soient bien conditionnés et qui ne pensent pas, qui disent oui à tout. Et puis les vrais, entre guillemets, intellectuels, eux, c'est le contraire. C'est ceux qui cherchent au contraire à réveiller les gens. Et donc, elle est... Voilà. Dans le même sens, est-ce que du coup ce que tu veux dire, c'est parce que je voulais la poser comme ça, ça sera fait, est-ce qu'un intellectuel, un vrai dans l'idéal, est-ce qu'il doit être en dissidence forcément ou pas? C'est pour ça que je faisais le lien avec le prophète, c'est que le vrai intellectuel, il se fait, comment dire, il se fait lyncher par la foule, quoi. C'est justement un signe caractéristique qui prouve son authenticité et le fait qu'il se sacrifie pour la vérité. Mais je suis pas sûr que la dissidence soit forcément de se faire lyncher par la foule. Enfin, j'en suis pas convaincu, quoi. Après, moi, je pense qu'il faut une certaine forme de dissidence, hein, vis-à-vis de choses. Mais tu peux pas être un intellectuel. Mais même, enfin, en fait, tu peux pas penser sans être en dissidence vis-à-vis de quoi que ce soit. Je pense que la dissidence vis-à-vis du pouvoir, c'est un peu le minimum de la pensée, quand même. Voilà. Après, je trouve qu'ici. Par rapport à ce que tu dis sur les, on nous confisque la pensée, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, hein. Il y a une sorte de répartition des rôles, les hommes politiques font la politique, les intellectuels y pensent, les boulangers font du pain et puis chacun chez soi, quoi. C'est l'inverse d'une vraie cité où les gens font les choses ensemble et où on vit vraiment en collectivité. Après, il y a des intellectuels qui essayent de, au contraire, d'aller toujours dans le débat, vers les autres gens, et pas que des intellectuels en fait, mais des gens qui pensent. Et je pense qu'ici, on est en train de faire exactement ça, c'est-à-dire qu'on est tous en train de se rassembler, d'essayer de penser ensemble. Sur cette question de combien de temps il faut pour développer des idées nouvelles, moi je trouve ça super là qu'on prenne vraiment il y a 20 minutes au début, ensuite il y a 40 minutes quand même de discussion pour essayer d'aller vers autre chose, et une pensée rénovée, c'est peut-être une pensée comme ça qui se crée collectivement et qui se crée pas seule pour ensuite être diffusée, quoi. Voilà, il y a un peu ce modèle de il y a le monde de la pensée, comme tu dis, c'est ceux qui pensent et puis après ils diffusent, et puis après on peut reprendre un peu des miettes, quoi. On peut choisir tel ou tel camp. Mais ça, c'est pas de la pensée, en fait. La vraie pensée, c'est quand on est tous assis ensemble et qu'on discute ensemble et qu'on essaye d'aller vers autre chose, de confronter nos idées à celles des autres, de là où ça heurte un peu. Voilà. Je pense que c'est ça, c'est ça une vraie vie intellectuelle, quoi. Et en fait, une vraie vie intellectuelle, du coup, il n'y a pas trop d'intellectuels. Oui, ce que disait Malongeau sur... Coluche ou Daniel Balavoine, c'est des mecs qui viennent et qui réveillent quelque chose que les intellectuels ont dormi, quoi. C'est des mecs qui viennent te titiller là où tu penses encore, malgré l'existence d'intellectuels en place, et tu te dis mais ouais, finalement le système pas si bien que ça, quoi. Donc, tu peux dire Bourdieu, machin, c'est un intellectuel, mais comme tout le monde ne connaît pas Bourdieu, c'est vrai qu'il a écrit des choses magnifiques, mais tout le monde n'est pas le lecteur de Bourdieu. Par contre, Coluche va toucher plus de monde, et les deux sont capables de nous réveiller, quoi. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit là. Sur, on parlait justement des individus qui vont produire une pensée et puis la diffuser un petit peu. Et effectivement, je crois que c'est un danger qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire que, un peu comme je disais tout à l'heure, il y a des têtes qu'on voit tout le temps, etc. Et des personnalités fortes comme ça qui sont mises en valeur à la télé. On dit lui il passe bien, lui il parle bien, etc. Quand on parle à des gens qui travaillent à la télé. Et ça, c'est un danger, en fait, la personnalisation du pouvoir, la personnalisation de la pensée. Et finalement, ça rejoint l'individualisme qui est un peu un dogme auquel on adhère, etc. Et est-ce que ce serait justement cette pensée qui est incarnée par des personnes qui vont nous la donner et qui nous donne l'impression que nous, on peut pas produire une pensée qui est plus personnelle, etc. Finalement, cette façon d'individualiser la pensée, c'est aussi affaiblir le pouvoir de chacun de construire lui-même comme il le peut sa pensée bien personnelle. Parce que quand on réfléchit vraiment, on produit quelque chose qui ressemble pas forcément à ce qu'un tel, un tel pense, etc. Mais comme on est tout de suite pris, happé par ces gens-là, qui parlent bien, etc., qui sont beaux, qui sont à la télé, eh ben, on n'a pas le temps soi-même, en fait, de développer son esprit, etc. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne croit pas assez en le pouvoir de chacun de penser ensemble. Et finalement, ce qui domine, effectivement, c'est des personnalités qui exercent le pouvoir, qui pensent, etc. Et y a peut-être qu'il faudrait recroire en... Il y a une croyance à recréer, j'en sais rien. Moins croire en ces personnalités et plus croire aux individus et aux individus rassemblés qui pensent ensemble, qui se confrontent, etc. quoi. C'est ça que je disais tout à l'heure, ce qui me gêne dans les émissions de télé, etc., que c'est toujours les mêmes personnes qui se confrontent, qui ont toujours un peu les mêmes pensées, qui correspondent aux mêmes idéologies, etc. Parce que même si on dit qu'il n'y a pas d'idéologie, il y en a, enfin, évidemment. Et voilà. Il reste plus que 5 minutes de débat, donc on pense à conclure. Ouais, je ne vais peut-être pas conclure, parce que moi, je suis au tout début des choses. Hein. Mais bon, il faut bien conclure, quoi. Bon, alors écoutez, moi, les gens, j'ai pas de modèle de gens qui pensent pour moi depuis longtemps. J'en ai pas. Il n'y en a pas, là. Depuis longtemps, j'en ai pas trouvé. Je n'ai pas de télé, donc je ne suis pas polluée par ça. Ce que je peux dire, par contre, c'est que plus on s'éloigne de toutes ces représentations-là, plus on est obligé d'aller chercher en soi-même la capacité de réflexion. Alors, c'est pas de l'individualisme, surtout pas. C'est surtout pas l'individualisme, ce dont je parle. Hein. C'est qu'à partir du moment où chacun va se confronter avec sa propre pensée, ses a priori, ses préjugés, toutes ces choses qu'on porte tous et dont on n'a pas forcément conscience, qui empêchent la pensée, il faut se confronter à ça. Et après seulement, on peut espérer pouvoir réfléchir ensemble et que ça donne quelque chose de constructif et de nouveau. On va laisser l'intervenant clore la parole. Deux secondes, il faut qu'on conclue. Deux secondes pour dire un truc super méchant, c'est que si vous relisez tous l'Apologie de Socrate par Platon, vous découvrirez que la philosophie naît au moment où l'Europe devient l'empire dominant du monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont en train de le comprendre. Et lorsqu'on n'étudie pas la philosophie en maternelle, en primaire ou je ne sais quoi, on étudie la philosophie lorsque notre cerveau est déjà formaté. Donc on met aux gens dans les écoles de philosophie, enfin dans la classe, lorsque le cerveau est déjà formaté et lorsque l'idée d'être suprême dominant de la pensée arrive. Et donc c'est très compliqué aujourd'hui pour le peuple d'Europe de se rabaisser et de se remettre au niveau des autres. Et c'est pour ça qu'ils essayent de détruire ça par l'invention de l'intellectuel. C'est-à-dire que même si le peuple redécouvre que la philosophie, ça a été la terreur et qu'on a détruit le monde à cause de ce délire-là, pareil pour la démocratie, excusez-moi, eh ben, en mettant l'intellectuel en valeur, on nous refourgue encore notre truc qui nous remet encore une claque et qui nous descend, donc avec une propagande télévisée et autres. Conclusion. Non, on n'a plus le temps, désolé. Là, c'est l'intervenant. Raphaël, tu conclus ? Ouais, bah du coup, je vais essayer, mais bah peut-être qu'en tout cas moi, voilà, ce que je retire de ça un peu, c'est par rapport au rôle de l'intellectuel, par rapport aux discussions qu'on a eues sur le fait qu'il y a des spécialistes qui parlent de tout, en fait, donc ils sont spécialistes, mais ils parlent de tout, c'est un peu paradoxal. Le fait qu'il y a un partage des tâches, comme disait le monsieur qui est parti là, il y a ceux qui pensent et il y a ceux qui pensent pas. Ce que tu disais sur le fait que quand on est intellectuel, enfin quand on a une pensée critique, on est marginalisé, même peut-être assassiné. Enfin voilà. Moi, je pense que ce qu'on fait là, en tout cas, bon voilà, pour conclure, hein, c'est ce que devrait être vraiment la vie intellectuelle, c'est d'être collectivement sans partage des tâches, sans rôle, à aborder différents.